FrenchPod.com. Bonjour mademoiselle. Alors voilà, j'ai absolument besoin d'un nouveau costume pour une importante réunion demain. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Bien sûr, monsieur. Vous recherchez quelque chose de plutôt sobre, je suppose. Disons un costume noir ou... Non, plutôt gris foncé ? Du gris foncé, c'est une idée. Avec des rayures blanches, par exemple ? Des rayures ? Vous êtes sûr ? Ça ne risque pas de faire trop ? Non, regardez ce modèle avec de fines rayures, par exemple. Ah oui, il est beau. Je peux l'essayer ? Bien sûr. Les cabines d'essayage se trouvent au fond, à droite. Merci. Il est à ma taille, mais les manches sont un peu longues et il est un peu serré dans le dos. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous avons un service de retouche. Votre costume sera prêt en une heure. Eh bien, c'est parfait, mademoiselle. Mais s'il vous plaît, assurez-vous bien qu'il reprenne le costume au niveau du dos pour le desserrer. C'est noté, monsieur. Aussi, pour allier sobriété et élégance, j'ai pensé que cette chemise bleue et ces boutons de manchette en argent massif seraient idéaux. Pendant que vous les essayez, je vais vous chercher une cravate qui se mariera bien avec l'ensemble. Je pense qu'une cravate de soie dans les tons bleu-azur fera l'affaire. Excellent, mademoiselle.